langage bienveillant. Un langage bienveillant est l'aimant qui attire le cœur des hommes. C'est le pain de l'esprit qui revêt les mots de signification. C'est la fontaine lumineuse de la sagesse et de la compréhension. Baha'u'llah, 1817-1892.